Christophe, le grand Christophe. Puis toi, 25 livres de talent. Non, 250 livres de talent. Christophe. Grand interprète, auteur comme auteur interprète. Et notre ami de cette nuit. Je peux le nommer. Hein? Georgette, je brûle le canard avant de le faire frire à 350 au four, pas d'oignon. Bon, j'ai raconté il y a quelques semaines l'histoire des oignons. Frit ou haché. Non, c'est frit ou cru. Clément Ducol, ami Clément Ducol, oreille, j'en parle régulièrement de ça aussi, oreille universelle, cœur généreux, tellement calme, vient de terminer de travailler avec Christophe pour son nouvel opus, pas l'opus à mon ami Ducol, l'opus à Christophe. Une histoire à suivre. Errance Renaldienne, CKRL, on est à l'écoute. On est branché. On va tout savoir. Eh bien, vous savez, savoir toutes les vérités. Ben oui, mais attends. Non. Ben oui, mais non. Toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Chapitre 1er, Amadeus Mozart disait. C'est pas Amadeus Mozart, c'est Beethoven. Beethoven, mythomane. Mythomane, quoi, c'est ça, oui. Pas les mythomanes. Le classicien, le Gainsbourg disait le classieuse. Classier. Les glaciers vont fondre bientôt, madame. Ben oui, puis surtout l'hiver va prendre le dessus sur l'intelligence collective. On oublie souvent des choses semblables. Et moi, mieux vaut l'oublier. Oui, je l'ai tout oublié. Et puis, je me disais, et puis, en parlant il y a quelques semaines, on a passé le temps du blé d'Inde. Ah, badou. Mon patron nous a amené une poche de blé d'Inde. Je sais qu'il nous prend pour des poches, là. Le trois quarts des employés le sont. Et puis, merci beaucoup, madame. Ça, c'est imaginaire, là. C'est pas c'est pas la vraie réalité. Mais c'est sûr que c'est voyons donc, si c'est imaginaire, c'est pas la pure réalité, là. Quoique, on peut parsemer des gouttelettes. Le fictif. Comment ça, à chaque fois que tu parles, on sent que t'as le nez... ben oui, mais écoutez, j'éternue constamment. Quand c'est Christophe, j'ai les bras... J'ai bras. Je viens de perdre parce que vous saviez que je suis pas un humain, moi, là. Je suis un robot. Je viens de perdre les courses. Mais en fait, c'est la plaque qui se trouve derrière mon dos pour programmer le robot que je suis pour faire une voyons là, tu vois, hein? Il y a de l'air qui rentre en arrière. Pour faire une l'émission de 120 minutes. Puis là, c'est ça. Pourquoi je respire par... Les gens, vous aviez dit que là, c'est tout. Oui, mais il faudrait que j'arrête de m'impliquer émotivement. Mais vous savez que depuis quelques années, faut que j'arrête aussi de dire, vous savez. Ils savent, ils sont au courant, c'est des brillants. Là on fait pas partie de la radio Coco commerciale. C'est de la Coco communautaire et c'est de l'associative. C'est des gens qui sont branchés sur la réalité, branchés sur l'importance de notre société contemporaine face à ce qui va lui arriver. C'est un coup de glace sur la massive. Ah, mon, mais la massive molle, là. Puis elle va s'endurcir. Vous savez, le mois de janvier arrive. J'ai commencé à clouer mes crampons, moi, là. Oh! Autant, attention, autant au niveau de la prothèse dentaire qu'au niveau de la chaussure, là. Parce que je mange plus glacé, moi. On dirait que je me dis ça, là. Je me sens comme un ours blanc, là. Il se promène, poum, poum, poum, poum, poum, poum. Il regarde partout, poum, poum. Il y a un petit creux, poum, poum, poum, poum. Il voit une petite brebis. Ouais, un ours blanc puis une brebis, mais il voit, tiens, il voit un chat musqué. Poum, poum, poum, chat musqué. Ah, d'accord. Il voit un bonhomme de neige avec une carotte. Non, il zoome sa carotte. Poum, poum. Non, mais écoute, c'est un ours blanc domestiqué. Faut arrêter de domestiquer nos animaux. Faut arrêter de domestiquer nos enfants. Arrêter de domestiquer notre épouse, notre époux. Arrêter de domestiquer nos amis. Rendons-les sauvages. Une belle soirée sauvage. Là. Une fin de semaine sauvage. Là. On oublie tout ce qu'on a dit. Le côté éthique, là, le côté le surmoi, le freudien. Prends Freud, mets ça dans le corbeil à papier. C'est un malade pour deux jours. C'est un malade. Il n'a pas existé. Il n'y a pas de ça, de surmoi et de contraception. Il n'y a que de la sauvagerie. Hein? On se promène. Poum, poum, poum, poum, poum. Non, mais ça ne tue personne. Oh non, la mort. On sait que la vie amène la mort. Puis, je m'entends moi-même, madame. Je m'entends moi-même. Il faudrait que j'arrête de respirer par le nez. Puis, si je vous le rappelle, on dirait que je le fais encore pire. Attends. On baisse ça. Voilà. T'avais quoi? Non, j'avais pas terminé ma soupe à l'oignon. Bon, et puis donc, on parlait de quoi? Boum, boum, boum. Ah oui, c'est ça, restons, soyons sauvages! Tout en étant un minimum civilisé, quoique même les gens qui ne se disent pas sauvages ne sont pas si civilisés que ça. Je travaille depuis belle lurette avec la clientèle, puis oh là là là là là là là. Oh là là là là là. Leurs parents. Je devrais envoyer les cassettes à leurs parents. Quoique les parents. Qui me dit que ces gens-là n'ont pas été sur le divan étalés, le bouteille de billets, les croustilles ou le maïs soufflé. Ouais, mets-moi le film, là. Robocop. Rénal, le robot, boum, l'ours d'Amérique blanc qui est. Hein? Oh, amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Mais le mois de mai est encore très loin. Mais on s'arrête un moment là. Je suis heureux d'entendre votre respiration, public, auditeur, auditrice. Et de vous savoir près de votre radio, de vos écouteurs, de votre station préférée, le 89.1. Puis c'est pas Tombouctou, comme disait Sylvain Lelièvre. Mais non, c'est pas Tombouctou. Non, c'est à Québec. À Québec. 405 3e Avenue, au coin de la 4 et de la 3. Un endroit exceptionnel. Qui a depuis plusieurs années monté dans la hiérarchie? Point final. C'est vrai, ça a monté. C'est plus ce que c'était. Il y a presque 30 ans, moi, je travaillais dans ce coin-là. Tout était visible, risible, épouvantable. Les gens ont monté leurs culottes. Ben, quoi qu'il y ait, pas tout le monde, on en a... Hein? On n'aimera pas des noms, mais il y en a plusieurs qui ont descendu leurs pantalons, en sachant que c'était le coin de la prostitution. Puis là, c'est plus vraiment la place, mais comme je l'ai dit il y a quelques semaines, il y a trois endroits. Limoilou, Saint-Roch et, depuis peu, la Haute-Ville. Si vous voulez les coins de rue, appelez-moi, écrivez-moi, renalquebec@commercial.com. Si vous voulez avoir des rabais, des coupes au rabais. Des coupes au rabais. Vous demandez un rare dégénéré, vous allez voir. Oh là là là là! Vous allez comprendre la chanson La Mexicaine. La Mexicaine, je la connais. Elle chante le singolu. Ouais. Tu te demandes pas pourquoi que Gilbert Bécaud avait l'oiseau de toutes les couleurs, hein? Le matin, je sors de chez moi, il m'attendait, il était là. Il souriait sur le trottoir, mon Dieu, il était trop la voix. Mon petit oiseau de toutes les couleurs, fring! Le petit oiseau de toutes les couleurs, fring! Et monsieur, il avait passé par ce coin-là. Et puis sinon, les enfants vont bien, la belle-mère... Bon, à nettoyer sa prothèse dentaire, bon... À manger, là, je l'ai... Elle s'est invitée elle-même pour mon épluchure de blé dingue. Blé dingue, on était complètement dingue d'elle. En fait, vous avez une très, très charmante grand-mère. Toi qui m'écoutes. Bravo. C'est une dame agréable. Puis surtout qu'elle elle me fournit en Purpleman depuis au moins un mois et demi. Puis c'est pas n'importe quel, pas votre grand-mère, mais les Purpleman, mais elle non plus, c'est pas n'importe quel. C'est la grand-mère de luxe. Moi, là, j'aimerais ça en cloner quelques-unes de même, moi, là, pour me suivre dans mon existence jusqu'à la fin de mes jours. Tu sais, la dame qui dit, ben voyons, c'est pas grave, tu sais. T'as le couteau ensanglanté, là. C'est pas grave. Tu viens de tuer ton premier bœuf. Tu te le coupes pour faire du steak en tranches. Là, tu dis, oh, je suis un meurtrier. Mais non, c'est pas grave. Veux-tu une popper? Si tu peux aller boucher une. Non, une popper man. Oh, quelle couleur. Parce que là, c'est la couleur qui importe là-dedans, là. Il n'y en a pas 2 millions, puis peut-être en 2015, ils en ont même pas amélioré. Ils nous ont troublés avec ça. Il y en a seulement, depuis la naissance du Pepperman, il y a 3 couleurs, mais celle de base, c'est la blanche. Celle de base. Celle que je suis plus capable, c'est la blanche. Donc, oublie-la. Tu peux l'acheter aux oubliettes, madame. Faites-en une chanson d'amour. C'est une chanson d'amour, c'est une chanson pour toujours. Quand il... Ton... Quand... Tant qu'il... Ouais, c'est le temps. On n'a plus le temps. Tant qu'il y aura des amoureux, elle vivra pour deux. L'histoire d'amour, là. Mais là, papa m'en a oublié ça. Blanche. Là, il en reste 2. La rose. Francis Cabrel revient avec un nouvel album que je n'ai même pas entendu, mais que j'ai reçu. J'ai une copine parisienne. Non, même pas de parisienne. Oh, ben oui, du 20e. Du boulevard Mortier. Allez voir. C'est en sortant de... Je l'ai déjà stipulé à un invité. Vous sortez du cimetière du Père-Lachaise. Ça dépend dans quel endroit, là, mais vers le 20e. Vous sortez dans le 20e, puis il y a le boulevard Mortier. J'ai une amie qui habite là. Et les albums qu'elle trouve tellement charmants, et pour, qui l'ébranle, qui va chercher en elle, l'album qui va chercher en elle, la jeune fille encore fébrile, au cœur d'argile, il y a l'amour passionné. Quoi, la Bambi, là, la Bambi, Bambi, Bambi. Et puis, non, elle fait aucune... C'est pas du piratage. Je reçois les originaux. Puis comme c'est une vraie... Une fan, souvent... Mais ça, c'est duplicaté, vous laisse multiplier, duplicaté, duplicatate, vous laisse jamais se marier. Tant mieux, fais-le pas, mon malade, fais-le pas. Tu te mets dans le trouble. Moitié, voyons donc. Ça, là, c'est comme... comment t'appelles ça? Le record. RCA Record, non, c'est le Ricard, voyons donc, à Marseille, le Ricard, bon, c'est le Ricard. La Nice. Faut pas mettre de l'eau là-dedans, voyons donc, c'est trahir. Non, mais tu 3-4 gouttes, puis, mais pas moitié verre de, oh, quel mauvais choix. Mais enfin, tous les égaux sont dans la nature. Je ne possède pas de déclencheur d'amorce. Les codes Morse n'existent plus et je me demande même si ma naissance ici ne demeure pas que le fruit de mon imagination. Sa fertilité est en danse. Je recommence. Sa fertilité est en danse, dans le sens de densité. Pourquoi ne serais-je pas qu'une illusion terrestre? Ça fait peur. Il y a une vérité là-dedans. Il y a des vérités. Après coup, courons sur l'ignorance comme une curiosité, une aventure qui s'ajoutera à l'expérience. Comment ça, on ne fait pas apprendre ça dans les cours de philosophie, dans les cours de littérature, puis dans les cours de français? Il me semble que c'est plus intéressant que de lire du Victor Hugo, du Jugeau, Victor Hugo, Milo, Milo, Milos Forman, Milos Formin, Formin, les depuis quelque temps, je suis pris, c'est comme presque gênant de dire ça à la radio, là. Les vermines, Milos vermifugé. Ah, qui se promène, ça se promène, ça, là. Puis ça n'a pas d'heure, là, hein? Puis eux, la circulation, rouge, verte, orange. Je tiens à dire que j'essayais de me rappeler les trois couleurs qu'on pouvait trouver sur un panneau de circulation. Ça prouve que je suis quand même au bout du rouleau. Gaétane Brisebois, ma propre femme, se lave même plus. Fait que faut plus dire que c'est ma propre femme. C'est facile, ben oui, tout est facile. La blague facile. La larme facile. L'émotion facile. Hein? Hein? Pardon? Ben oui, adore, vous. Vous changez sur un 43 tours. Non, à l'époque, il y avait, c'est pas compliqué. 33 tours, c'est le plus commun. Le gros, le long jeu. On sort ce soir le long jeu. Des plateuses. La chanson des laitiers. Only you. Only you. On l'a déjà ouais, avec les wouah. Aimeriez-vous ça l'entendre encore? Avons-nous le budget? Non, on a enlevé les piles de l'enregistreuse. Alors, on ne peut pas le faire. Vous êtes chanceux, hein? Actuellement, là, prenez des loteries, c'est votre moment de gloire. Pour une fois que c'est vrai, là, le moment de gloire, là, achetez-en pas. Il y a quelque chose qui se passe quand on s'en procure, puis je pense pas que c'est de la chance. C'est que notre cerveau perd de l'oxygène. Puis quand ça perd de l'oxygène, ben, on est prêt à n'importe quoi. C'est pour ça quand on se trouve devant une caisse enregistreuse, là, puis qu'il y a une file, 3-4 personnes. Il y en a une ou un qui ne sait pas comment fonctionne sa carte. Je rentre, la puce, PayPal, comment ça fonctionne, le code. Pendant ce temps-là, tu ne veux pas regarder, tu te dis voyons donc. J'espère que je ne deviendrai jamais comme ça. Là, tu regardes ce qu'il y a devant la caisse. Ah, maman! Oh, des petits mignons! Oh, des porte-clés mignons! Oh, un sac à dos mignon! Oh, des mignons, des mignons! Là, tu t'ajoutes tous les mignons. Tu avais juste un paquet de gomme à 1,75$. Ça te coûte 28,95$. Oh, c'est mignon! Oh! Puis le gars qui est en avant, c'est pas un vrai gars qui est mêlé. C'est un comédien payé par l'entreprise. Ah! Nos comédiens sont obligés de faire ça pour joindre les deux bouts. Au Québec, là, nos comédiens ne sont pas sur les planches de théâtre, ne sont pas à la télévision, ne sont pas non plus sur la surface écranique que l'on appelle cinéma ou vue, des petites vues. Hey, j'ai vu des petites vues. Ah, c'était une belle petite vue, là. C'était un prisme. Ah, non, c'était un prisme. Hey, ouais. Le micro a changé de... Voyons. Est-ce que c'est le cataclysme ou l'éclisse? Hey, alors, toi, va-t'en. Bon, OK. Il faut sortir les désobligeants. Êtes-vous désobligés, vous? Hey, en parlant de désobligé, je parlais de Clémence il y a quelques semaines, là. Elle était à la salle Albert Rousseau, là. Hey, on me plaçait presque devant la toilette. Voyons, mais ils me connaissent un peu, là. Tu dis, hey, Reynaldo. Il rit. En riant, il se chope une larme. En se chopant une larme, il a envie de pisser pour 2-3 heures. Ah! C'est un incontinent, autant verbalement qu'au niveau de l'urette. Ah, c'est l'urette, elle n'est pas l'air, ça n'a pas l'air, ça n'a pas l'air. Ah, les bulettes, ça n'a pas l'air. Et surtout, ne la secoue pas. Non, parce que si tu oses faire ça, surtout quand t'es pas chez toi. Bon, quand c'est public, il n'y a pas de problème. Chez des voisins, non, non, non, non, non, non. Chez des amis, non, non, non. Hé, hey, là, tu vas inaugurer nos toilettes, mon Raymond. Tu vas inaugurer. Hey, puis en plus, c'est une belle fête. Là. Tout le monde est... Oh, les mains, oh, les mains, oh, les mains. Ah, oh, puis leur côté sauvage, là, hein? Tout en vide, en pleine nuit, une sirène, là, les intérieurs. Tu veux jouer aux pompiers? Mais je dis, non, non. Ils ont tout nettoyé, tout est propre, tout est beau. Hey, ils vont inaugurer leur studio, leur radio, parce qu'ils veulent faire comme Renan Le Gagnon, avoir un studio d'enregistrement. Ça ne va pas, bien sûr, à la courte échelle de ce que, à l'endroit où je me trouve actuellement. Mais bon, parce qu'en plus, il y a des artistes qui m'ont créé des œuvres picturales. Picturaux? Des œuvres, une œuvre, des œuvres, une œuvre, une œuvre picturale. Des œuvres picturales, picturaux. Ah, les gars, les picturaux! Des peintures. Ils m'ont créé des peintures. Et puis, ces peintures-là ornent mon mur avec tellement de jouissance. J'ai jamais vu mes murs aussi droits, là. En plus, ils sont rouges. Là, quand j'ai placé le clou pour mettre des photogrammes, une peinture qui m'a été offerte par une amie dont j'accueillerai sa présence dans quelques semaines. Et mais maintenant, c'est vrai, il faut arrête de badigeonner. Ton poulet n'est même pas rôti. Même, il n'est même pas dans le four. Puis à vrai dire, ben, il n'y en a même pas. OK. Alors, ça va bien? Bon, les enfants? La dernière, la petite dernière. Ah, mon Dieu, hein? Comment ça qu'elle s'est mariée avec... Comment? Giroflé? C'est qui ce giroflé? Je les ai vus descendre, là, avec un flambeau. Qu'est-ce qu'ils faisaient, là? C'est dans leurs us et coutumes. Hey, moi, j'ai sorti mon pain béni, j'ai sorti mon crucifix, j'ai fait mes signes de croix. J'ai invoqué le Dieu Tout-Puissant. Enfin, mon Dieu, Seigneur, qu'est-ce qu'ils ont l'air d'avoir du plaisir? J'aimerais ça embarquer dans leur troupe. C'est Michel Fugain et le Big Bazar. Ouais, OK. Monsieur le Président, Monsieur les patrons catholiques, Mesdames les voluptés et vous, chers résidents et résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante Errance Reynaldienne. Bienvenue à la douce Reynaldité, à l'histoire finement improvisée avec votre magicien du surréalisme, Reynald. Le néant gagné. À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule? C'est fait depuis 28 minutes et 48 secondes. Librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf. Attention! Ça, c'est important. Là. Surtout ce soir, on m'a dit qu'il y avait un amas de soucoupes. Je veux pas dire que le public sort d'aller voir un match de hockey, là, avec des méchants de soucoupes. Ils ont gagné, ils ont gagné. Oui, mais le pointage, ils ont gagné. Ils ont gagné, mais moi, j'ai peigné ma bière en sifflette. Un moment, je sais plus capable de siffler. Fait que j'ai ciré ma bière. Un agent de sécurité, m'a dit pas le droit d'acheter de la bière. Voyons donc, toi, je l'ai payé, je dois faire ce que je veux avec. Ouais, mais. Non. Là, il cherchait ce qu'il avait étudié à l'époque, lui. Tu voyais que c'était loin. Ah, oh, mon Dieu. Il y avait 95. La liberté s'arrête à l'endroit où la couvre-cherche cherche King size, let's mayonnaise. Pas régulière, puis pas légère. Les étapes, bétanganin. Attention, Facebook veut manipuler vos. Il veille. Facebook veut manipuler. Pas manipuler, là, manipuler. Ils veulent partir en vente avec vos informations pour éditer votre entité à volonté. L'absurde aventure de Laurence Renaldine s'ouvre à l'instant. Nous marcherons ensemble. Nous défricherons le chemin narratif et voici le pitre qui change de l'échappée diégétique. Votre itinéraire à l'engagier. Fring! Ça veut dire que c'est moi, hein? OK. Aujourd'hui, le vendredi 6 novembre 2015, l'errance, les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans une atmosphère narrative, unissons-nous autour de Clément Ducol. Clément Ducol est un musicien, arrangeur et orchestrateur français, né le 23 novembre. Hey, 6-23, on est proche, là, hein? Alors, on va lui faire notre chanson à nous de Joyeuses Fêtes, presque 3 semaines avant. Mon cher Clément, il faudrait brancher les... je sais, ça fait un peu prime. Et puis là, j'aimerais bien avoir les piles sont loin. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire ici pour faire évoluer la vie? Bon, on va le faire comme on devait le faire. Là. Mon cher Clément, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Mon cher Clément, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Bravo, bonne fête, Clément. Il est né en 1900. Puis là, je fête sa fête avant le temps. Moi, je suis toujours avant, moi. Quand c'est une fête, là, ça prend 3 semaines pour s'en remettre. On va commencer maintenant. Hein? On va commencer le 6 novembre pour arriver, atterrir le 23. Oh! Ouais, on est pas malade, on est très, très fou. Et puis Clément, c'est Ducol apprend le chant, le violoncelle. Il fait chanter son violoncelle. C'est beau. Le piano, dès son enfance. À 11 ans, il participe au spectacle Impression de Péléas de Peter Brook, d'après Claude Debussy. Après une scolarité secondaire au lycée Racine, où il a pris Racine, où il n'a pas appris Racine. Ouais, c'est insignifiant. Ça vaut pas la peine. Ils vont rire de la culture Québec. On s'en va dans la... Il suit des études d'orchestration et de percussion au Conservatoire national supérieur de musique et danse de Lyon. Ça veut pas dire que le cours de national supérieur de musique est danse, là, mais c'est qu'il y a de la danse. On danse. Oh, Casanova! Chico, chico, titi. Bon, c'est de la danse. Et c'est à Lyon. Celui-ci, bon, je ne veux pas non plus aller trop loin parce qu'il va nous le raconter. En 2007, il crée avec Dominique Wiese, et c'est en allemand, je ne le dirai pas pour ne pas insulter les Allemands. Et puis en 2009, il rencontre la chanteuse Camille Dalmet, l'accompagne dans la tournée. Mais en passant, là, Camille Dalmet, c'est la Camille. Son grand succès, son album culte, Le fil. Je n'irai pas plus loin. Puis, je n'ai jamais compris, moi. J'ai perdu un chêne. Non, j'ai jamais compris pourquoi on a dit que cette fille-là était siphonnée. Quand vous écoutez mon émission, là, on siphonne pas comme on siphonne à certains endroits. Il dirige avec, bon, OK, sa vie privée, bon, on l'a presque dit, là, il fréquente Camille, il a eu 2 enfants avec cette demoiselle des plus exceptionnelles. Errance Renadienne vous présente un bout d'émotion, un bout de sonorisation qui a été pris à Paris sur la rue des Abbesses. Mais la preuve. Aujourd'hui, c'est le plus beau jour, c'est la plus belle vie, c'est le plus grand amour sur la plus belle planète. Et aujourd'hui, c'est la plus belle minute, c'est la plus belle poussée, c'est la plus belle chute sur la plus belle planète. La plus belle planète. Et aujourd'hui, c'est la plus belle seconde, c'est la plus belle voie lactée, la plus belle ronde sur la plus belle planète. La plus belle planète. La plus belle planète. Et aujourd'hui, c'est le plus beau col, c'est le plus beau cordon, le plus beau bisphénol, le plus beau plomb, placenta, béton, colostrum, ADN, uranium, OGM, homme, M, femme, butane, dioxyde de carbone. Sur la plus belle planète, la plus belle planète, la plus belle planète, la plus belle planète, la plus belle planète, la plus belle planète, la plus belle planète, la plus belle planète, la plus belle planète, la plus belle planète, la plus planète, la belle planète, belle planète, la plus belle planète, la plus belle planète, la plus belle planète, la plus belle planète. Et aujourd'hui, c'est le plus beau moment, c'est le plus beau bébé, c'est la plus belle maman sur la plus belle planète. Quand tes cheveux s'étalent comme un soleil d'été, et que ton oreiller ressemble au champ de blé, qu'ombre et la lumière dessinent sur ton corps des montagnes, des forêts et des îles au trésor. Que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. Oui, ça sera plus pratique. Moi, je vais me pousser un peu. Je vais finir dans...

écoutez Errance Rénaldienne sur CKRL-MF, le 89.1 à Québec, avec Rénald Dany. Tout dit,

tu crois pas, baby, tu crois pas. Mais qui va faire taire le chien? Je sais pas, j'en sais rien. Chérie, même si tu es la plus belle, passe. Je vais quand même pas passer ma vie à faire la queue au paradis. Bienvenue au paradis sur terre. Je veux voir tout le monde les jambes en l'air, le soleil au bout des yeux, la main du vent dans les cheveux. Rien de tout ça n'est à vendre, alors mon Dieu, pourquoi attendre? Et même s'il m'arrive encore d'attendre comme un con dehors la raison de ton retard, je vais bouger, il va pleuvoir. Je vais quand même pas passer ma vie à faire au paradis. Bienvenue au paradis sur terre. Je veux voir tout le monde les jambes en l'air. À faire la queue au paradis. Bienvenue au paradis sur terre. Je veux voir tout le monde les jambes en l'air.

et m'a pris par la main. Puis il m'a dit, mon ami, le saviez-vous? Quelquefois désobéir au réveil matin, c'est la façon la plus sûre d'être debout. Moi je dis, je sais, foutez-moi la paix. Rénaldienne sur CKRL-MF, le 89.1 à Québec, avec Rénald Gagnon. S'en aller juste pour dire, tu vois, je l'ai fait. S'en aller pour toujours, à jamais, pour vivre seul ou mieux accompagné. S'en aller sans l'avoir décidé, pour la couleur ou pour les idées. S'en aller seulement pour s'en aller, pour voir, voir là-bas si j'y suis, pour voir Venise mourir sous la pluie, pour éviter de répondre aux questions. S'en aller parce qu'on t'a dit, baby, c'est non, c'est non, c'est non, c'est non. Moi je veux m'en aller pour voir. Revenir quand on a vu qu'ailleurs c'était pire. Sans l'aller, point de retour. Sans retrouvailles, point d'amour. Sans aller, sans issue de secours. S'en aller à jamais, pour toujours. Pour voir, voir là-bas si j'y suis. Pour voir Venise mourir sous la pluie. Pour baby, c'est non, c'est non, c'est non, non, non, non, non. Moi je veux m'en aller pour voir s'il n'est pas trop tard pour entendre ton moi. M'en aller pour croire qu'il n'est pas trop tard pour entendre ton moi. Oh, oh, oh.

Bah ouais. Hey hey. Oh, oh, oh. So I run to the river. It was boiling. I run to the sea. It was boiling. I run to the sea. It was boiling all of that day. So I ran to the Lord. I said, Lord, help me. Please help me. Please, please, please help me, oh Lord, that day. He said, child, where were you? Ha! When you ought to be praying, yeah. Hey, I said, Lord, Lord, hear me praying, Lord, Lord. Hear me praying, Lord, Lord. Hear me praying, oh Lord, that day. Cinnamon, you ought to be praying. Ought to be praying, Cinnamon. You ought to be praying, oh Lord, that day. I brought power. Hey, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, yeah. Hi. Si tu étais un mot. Un seul mot. Oui. Bleu, allez, bleu. Ok. Ouais. Bleu pétrole, peut-être? Non. Oh, non, okay. Non. Surtout pas. Si tu étais un aliment. Je peux dire salé ou c'est trop vague? Oui. Ouais, salé, là. Ok. Vraiment salé. Okay. Si tu étais une saison? Hiver, moi, je crois. J'aime bien l'hiver. Mais l'hiver à Paris, pas l'hiver à Québec. Mais je suis allé une fois en hiver à Montréal. Au mois de février avec... ok, il y avait Vincent Delerme, toute cette équipe. Ah non, non, non, moi j'étais pour la musique contemporaine au festival... Ah oui, oui, oui, je sais où. Ça s'appelle M&M's, M&M, Montréal Nouvelle Musique. Oui, oui, oui, oui, oui. Voilà, on a joué à McGill et à je sais plus quoi, ouais, des pièces de, McGill, voilà, oui. De John Cage et tout ça. Donc j'étais au mois de février. Puis et c'était génial, mais il faisait moins 20, mais c'était pas... Ok, c'est le mois de janvier le pire. Ah, ok. Moins 35, moins 40. Ah oui, c'est ça. Ouais, non, ouais. Là, il faisait moins 20, il n'y avait pas beaucoup de vent, donc c'était okay. Très supportable. Tu sais, là, quand tu sors à l'extérieur, là, les narines te collent. Ah ouais. Ouais, c'est merveilleux. Si tu étais un membre corporel... C'est intime, ça. Ok. Non, mais membre corporel, attends, il faut que je trouve un truc. Je trouve un truc parce que j'ai... Attends, ah non, mais c'est un peu intime, c'est un peu okay, bizarre. Parfait. Parce que je pourrais dire les fesses, par exemple, c'est oui. Beau des fesses. Okay. Il faut avoir des fesses musclées, c'est important, c'est la stature, c'est tout ça. Ou le dos, remarque le dos, c'est bien aussi. Je sais pas. C'est comme un violoncelle, hein. On, ouais. On représente souvent le dos avec le violoncelle. Ouais, c'est vrai. Mm. Bon, on carré le dos, ouais. Ouais. Ouais. Ok. Si tu... si tu étais un moment de la journée le matin. Ok. Ouais. Ah, t'es un lève-tôt puis tu fais des spectacles le soir. Bah, c'est-à-dire, je me lève jamais. Tôt fatalement parce que j'ai des enfants. Oui. Donc voilà, j'ai appris à me lever tôt. Mais je suis très très efficace le matin, beaucoup plus que l'après-midi. L'après-midi, pour moi, il faut digérer, faut lire, faut dormir, faire okay. La sieste, faut marcher, faut faire je sais okay. Pas quoi. Mais... après, c'est le soir, c'est le matin ou le soir, quoi. Mais le matin, on est en fait. Ok. Si tu étais un autre individu.